C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. C'est sûr de gagner. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit le très joli Maxime Lemieux-Laramé pour sa chronique télécharge quoi. Oui, c'est la dernière fois de la saison en plus. Oh non! Déprimant, toi, dès le début de même. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios, c'est fois à Trois-Rivières. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Nous commençons sur une note plutôt triste, je trouve. Ben oui, mais faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça sert à rien de se mentir, là, Mathieu. Un chat, ça, on appelle un chat un chat. Exactement, c'est la dernière semaine d'Assemblage requis, cette semaine, dans la formule actuelle, dans la formule du retour animée par Kiwan et Mathieu. Ouais. Il en reste 4 émissions. Donc, une dernière présence pour chacun des chroniqueurs à chaque jour de la semaine. Dernier tour de piste. Ça veut dire qu'il nous reste 4 heures. Il nous reste 4 émissions de 2 heures, donc 8 heures, donc 16 demi-heures et 32 fois 15 minutes. Hein? C'est à peu près ça qui va nous rester ensemble. Et plusieurs de ces minutes-là vont être prises par nos chroniqueurs dans l'émission d'aujourd'hui. Hein? Une bonne, je dirais, 20 minutes? Une demi-heure? 25 minutes? Environ. Puis on peut dire aussi, je pense, qu'on va les retrouver tous ensemble jeudi prochain. Hein? Oui, c'est vrai. Et on peut vendre la mèche tout de suite. La plupart seront là jeudi dans l'émission de fin de session. Et certains, j'imagine, seront là cet été aussi. Donc, on en reparlera tantôt. Sinon, ben, on a de la bonne musique dans l'émission d'aujourd'hui. On va commencer ça avec du Hot Chip. Un extrait du palmarès anglophone, la pièce Hallicats à Assemblage requis. Attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie alone. Wear each other's heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die alone. Sleep inside a blanket to bed, planted like the crocuses. In the song my mother said, she wanted us to sing. We sleep inside a blanket to bed, planted like the crocuses. And I wish my mother could see the ring I got. Thank you. needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. Qui d'autre, moi? Je vais compter un par un. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées. Ça, c'était Hot Chip avec Alley Cat. C'est ce qui a débuté cette émission, je vous dirais. En passant, juste comme ça. Tantôt, si vous avez raté certains invités de Sophie à Chez Mes Coutus, faut dire la rediffusion. C'est mardi à partir de 17h. Donc, soyez à l'écoute. C'est demain. Nous, on va continuer encore une fois en musique avec... qu'est-ce qu'on va aller entendre, Kiwan? Dis-moi. Yes, sir, ça tente? Yes, ben, yes, sir. Je pense, comme dirait qui donc? Jean-Loup. Hein? Il disait ça? Yes, sir! Mm-hmm. Non? Je te rappelle pas de ça. T'es radio en fer. Ben, qu'un. Jean-Loup, le hot dog du Val. C'est ça. En direct du pavillon de la vie étudiante. Je sais pas quoi. Bon, donc, qu'est-ce qu'on s'en va entendre de Yes, Sayer? Un petit peu de ONI. La pièce est sur le palmarès. Et ça commence à l'instant. De ta assemblage requis au 89.5. C'est le P4, le P4. La pièce O&E de Yes Ayers sur le palmarès anglophone de C'est fou. Et vous, êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de qui donc? Kiwan et Mathieu, je pense. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Par contre, il n'y a pas juste Kiwan et Mathieu à un moment donné. Il faut s'habituer au fait qu'il y a juste beaucoup de choses qui sont meilleures que nous autres. Donc, j'essayais de... Maxime Lemularamé et sa chronique télécharge, quoi. C'est ça qui arrive quand tu cherches trop loin, hein? Ouais. C'est ça qui arrive. Mais cette semaine, je suis pas allé chercher trop loin. Je savais même pas que c'était la dernière de la saison. C'est ça, terrible. C'est pas ça? T'as pas reçu le message Facebook? J'ai reçu le message Facebook, ouais. Mais j'ai pas fait tous les liens que j'aurais dû faire. Ben, ça parlait de jeudi, puis toi, t'es le lundi. Fait ouais, que t'as c'est pas ça. Pensé j'ai pas ça. Pensé qu'après jeudi, c'était fini. C'était fini. Mais non, ce sera pas fini. Il va y avoir d'autres choses cet été. Mais bon, on en reparlera. On en reparlera. On n'avait pas dit qu'on en reparlera. On en reparlera jamais, finalement. Si à jeudi, on va être là, puis on va oublier de le dire. Mais ouais, c'est super, ça. Hein? C'est la dernière. Alors, c'était la dernière, avant-dernière de Sophie tantôt, puis là, c'est la dernière Assemblage Requis. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, finalement, c'est fou. Ouais, ouais. On est fébrise pas mal. La nostalgie. Ouais. Ah, alors, tout ça pour dire que cette semaine, je parlais de... Petite fille. Entre autres, ben est-ce qu'on commence par petit? Non, ben non, commence par ce que tu veux dire. Je veux juste te traiter de pédophile le nombre de fois que je peux avant la fin de la chronique. Ben, je pense que j'ai envie de parler de petite fille tout de suite pour que ça soit réglé. Ah ben c'est ça, en fait, Little Girls, j'en ai déjà parlé. C'est un peu un projet parallèle de Josh McIntyre, multi-instrumentiste torontois. Et puis j'ai vu qu'il y avait un nouvel extrait sur MySpace. Puis c'est ça, je le trouve super bon cet extrait-là. Fait que je me suis dit... Je vais en reparler quand même. Ça faisait longtemps que j'en avais parlé là, de l'album Concept de Little Girls, mais c'est bon, Little Girls. Puis je sais que Kiwan aime ça. Oui, fait j'adore. Fait que je me suis dit, let's go. Puis la pièce s'appelle. C'est plein de barres obliques, plein de slash. Ouais, on sait pas trop comment dire. Est-ce que c'est slash, slash, slash, slash, dot, dash, dot com, comme le thème de Senix? Ah, peut-être. Un petit plug comme ça. Mais non, ouais, fait que Little Girls, c'est disponible sur MySpace, c'est à peu près tout. On écoute ça tout de suite. Télécharge quoi? Assemblage Requis. Kiwan, Mathieu, Maxime pour l'instant. Pour l'instant, tu te prépares à t'en aller le plus vite possible, c'est quoi? Non. T'as honte de nous autres? Pas du tout. We'll be right back. Alors, c'était Little Girls avec la pièce qu'on sait pas trop comment exprimer. Hein? Disons slash. Ouais, barre oblique au pluriel. Ah, barres obliques. C'est très bon en tout cas, moi j'adore. Ouais, c'est excellent, Girls. C'est vraiment bon. Alors, Band of Horses maintenant, groupe que j'ai découvert à peu près en 2006 avec leur premier album. Leurs deux premiers albums étaient sur Sub Pop. Puis celui-là, le prochain qui va paraître le 18 mai, Infinite Arms, va être sur Brown Records. Et puis je voulais inventer comme un genre de conflit là, qu'il y avait eu avec Sub Pop, mais je me suis dit que ça allait être impertinent, fait que je le ferai pas. Des nouvelles inventées, tu veux dire? Comme les Gingras Gonzalez dans le temps? Ouais, ou des fois c'est un fait, hein, des fois c'est... c'est basé dans une... Ouais, t'as raison. On sait jamais si c'est vrai ou pas. Ben, l'émission que vous aviez faite, t'avais dit, il se fume 15 000 cigarettes par jour dans le monde. Attends, j'essaie de me rappeler la date. Je pense que c'est l'émission du 2 février que vous pouvez télécharger sur assemblagerocky.com. Juste comme ça, là. Allez-y. Concept. Bon, je sais pas. Pour les gens que ça touche. Je trouvais pas d'adjectif, là. Spécial. Ça dépend de chaque personne. Ouais, spécial. Différent. Unique. Ah! Alors, c'est ça, Band of Horses, le prochain album, le troisième album, Infinite Arms, va être disponible le 18 mai. On va aller écouter la pièce Laredo, L-A-R-E-D-O, qui est en streaming sur leur site .com. C'est quoi le Band of Horses .com? Band of Horses. Horses, pardon. Alors, on écoute ça tout de suite. Vous êtes encore à Télécharge quoi? Dans l'émission Assemblage requis. 89.1. C'était Band of Horses, groupe de Seattle Carolines. Non, parce qu'en fait, on n'était pas sûr si... Je pense qu'ils ont été formés à Seattle et puis ils résident maintenant en Caroline du Nord ou du Sud. Caroline? Ben, les deux, il est marqué North and South Carolina sur leur... Bon, ils veulent juste nous mélanger. Moi, je pense que oui. Alors, on peut dire qu'ils sont américains, je pense qu'on se comprendra pas. Est-ce que tu as vu l'édition limitée de l'album de Benna Versus? Comment ouais, ça n'a pas de sens? C'est 100$, ça te donne le vinyle, le CD de Infinite Arms, un DVD avec les vidéoclips de chaque chanson, mixé avec et synchronisé avec un mix de 5.1 surround sound, des chansons qu'il y a sur le CD. Tout ça dans une boîte de 12.5 pouces par 12.5 pouces, un livre de table à café là, de 100 pages avec des photos de Christopher Wilson et le téléchargement immédiat de la pièce La Rideau et le vidéo de Compliments pour 100$. Quand je vois ça, je me dis que je suis sûrement pas le fan numéro 1 de Band of Horses. Mais ils font des coffrets comme ça pour le volume était au maximum, tu sais. Fait que... Ah ouais? Ouais. Ouf. Je sais pas, je comprends pas. Sûrement calqué sur les Beatles aussi, qui font un genre de même truc, mais ouais, je sais pas s'ils ont la même popularité. Comme on se disait, c'est sûr que ça a une plus grande valeur si l'édition limitée est à 5 exemplaires, par exemple. Ouais. Peut-être qu'ils font ça dans le but de plus tard, si, mettons, ils deviennent populaires, là, les gens vont se pitcher là-dessus sur eBay. T'sais. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils font comme dans le fond comme quand on fait les tirages dans l'émission aussi, ils font des packages pour écouler le stock. Bon, prochain artiste. Ouais, c'est ça. J'arrête pas de penser, mais il faut que je le dise comme il faut. Titus Andronicus. Alors, c'est avec une voix rock. Rock. Mais c'est ça en fait. Si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que l'autre jour, Kiwan et moi, on... Mathieu aussi était proche, là, mais... Tout le temps, Kiwan et moi, comme si j'étais jamais là. Mathieu était spectateur, et puis on parlait des notations d'albums sur Pitchfork. Puis on avait parlé justement de Titus Andronicus, puis je disais, tu sais, moi, je connais pas ça, puis il donne des bonnes notes. Puis là, Kiwan m'a vraiment dit, tu connais pas ça? Moi, je l'ai acheté, l'album. Puis j'étais... T'es tombé une épée. C'est ça, moi qui pensais, genre, nommé. Pitchfork, il donne des bonnes notes à n'importe quoi, comme Titus Andronicus. C'est quasiment ça que je disais. Hein? Je sais même pas si ça existe pour vrai. Fait que c'est ça, je suis allé écouter, puis j'aime bien le genre, j'aime bien le style. Puis, c'est ça, en fait, j'aimerais qu'on écoute A More Perfect Union de l'album The Monitor, qui est sur Excel Recordings. XXL? Non, juste Excel. OK. Fait que, c'est ça, Titus Andronicus, un autre, une découverte de Kiwan. Hein, c'est correct si je dis ça? Correct. C'est bien la non. Seule chose que je t'aurais fait découvrir. Ben non, arrête. Peut-être. Japan Droid, c'est à cause de toi aussi. Ben, je savais que ça existait, mais je savais pas que c'était bon comme ça. Sinon, d'autres choses aussi. Sûrement, la pâte à modeler. Non, ça, j'avais déjà entendu parler avant de t'en parler. La glu, je pense que... Ouais, pense quand t'es arrivé avec ta glu, là, j'en avais jamais... Puis les balles rebondissantes aussi. Tu n'utilises pas beaucoup de corps lubrifiants, c'est pour ça que tu as vu. Oh, wesh! Ok, de la glu. Ouais, hein? Alors, on écoute Titus Andronicus. New Alors, c'était ça, hein? Titus and Andrew Nikis. Nikis. Nikis. Nikis. Nikis. Je pense que c'est du Nicking. Nikis. On a entendu la pièce A More Perfect Union de l'album The Monitor. C'est un album un peu bizarre, là, un peu schizophrénique, je dirais. Là. Mais quand même à découvrir. Ouais, ouais, je l'adore. Ouais. Parfait. Mais en même temps, je te dirais bien objectivement que dans ce style-là, c'est peut-être pas le meilleur groupe là, que je pourrais être. Tu sais, dans à le quoi style, tu style rock garage un peu sale, là, ouais. Tu sais, Jeff and Droid, c'est beaucoup meilleur. Puis, ouais. Même, il y en a sûrement même d'autres. Oui. D'autres choses qu'on n'ose pas nommer. Mm, mm, mm. Genre Vivian Girls, je sais pas. Ouais, ouais. C'est, ouais, c'est très garage, par exemple. Mais moi, quand on parle de rock garage, là, je pense toujours à Ben de Garage. Ouais, je trouve ça. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Bizarre quand même. Une drôle d'association. Non, mais en fait, c'est parce que je cherchais le nom du groupe dans ma tête, mais j'ai hâte qu'il y ait un nouvel album ou quelque chose, en fait, des spectacles, parce que je pense que c'est comme en pause, là, le groupe. En tout cas, j'ai pas vu qu'il y avait des nouveaux spectacles, peut-être depuis les Franco, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas un des deux qui est dans un autre groupe aussi? Je peux pas dire. Mais Ben de Garage, on devrait faire... Malgré que l'album date quand même d'il y a 2 ans. Ça arrive qu'on en fait jouer quand même, hein? Ça, de temps en temps. C'est un de mes groupes préférés, quoi, mm-hmm. Francophone. On va en faire jouer tantôt, Max. Yes! Juste pour toi, pour ta dernière chronique. Ça devrait se retrouver sur le palmarès. Ah ouais, ben ouais, ça n'a jamais été fait, ça. 2 ans plus tard. Non, mais c'est cool, moi, j'y vais, puis on se revoit jeudi. Jeudi. Merci. Maxime Lemulerami. Au revoir. Bye. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Kiwan et moi, on prend une petite pause comme ça avant de continuer l'émission, OK? Puis on va venir après. Okay? C'est sûr, on va être là. Dis que t'es d'accord. Je suis d'accord. Signe ici. On revient dans 2 minutes et demie, à peu près. 2 minutes 19. À peu près, à peu près 2 minutes 19. OK. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. On vient d'entendre Dr. Dog avec la pièce Stranger. C'est une pièce du palmarès anglophone de C'est Fou. C'est vraiment une des meilleures nouvelles entrées, je trouve, de ces temps-ci. C'est vraiment très, très bon, ça, du Dr. Dog. L'album s'appelle Shame, virgule, Shame. Hein? Bizarre, jamais entendu parler de Dr. Dog. Je suis sûr que c'est genre super connu, là, mais... Je sais pas trop. Je sais pas si c'est si connu que ça. Ici, mettons, à C'est Fou, c'est un petit peu difficile de juger de qu'est-ce qui est connu ou pas, parce que des fois, on connaît ça, puis les autres connaissent pas ça, puis le contraire est vrai aussi. Hein? N'est-ce pas? Comme tu dis, il va y avoir plein de gens au show de choses que je vais aller voir. Puis, Mais il y a quand même plusieurs albums. Là. Depuis 2002, il sort des albums complets, Dr. Dog. Ouais, mais c'est en année de chien. Là, fait que... c'est son premier, finalement. C'est son deuxième. C'est ça. Et il a fait son doctorat en quoi, ce chien-là, ce qu'on le sait? Très bonne question, ça. C'est pas écrit c'est sur... C'est pas écrit sur sa page Wikipédia. Ah là. Que voulez-vous? Et... Cela étant dit, on va retourner entendre une pièce. Non, ça menait à rien, j'essayais de m'en sortir. Mais... Alors moi, je pensais que tu voulais qu'on continue à ne pas parler pendant qu'on lit une page Wikipédia dans notre tête. Ben, vas-y. Clique sur wikipedia.com en français. Il y a tout le temps un article vedette du jour. Là. Renseigne-nous sur c'est quoi l'article vedette du jour sur Wikipédia. Pourquoi l'article pas? Vedette du jour, tu sais. Genre, c'est comme le spotlight. Là. C'est toujours super intéressant, je trouve. Lumière sur une soupape. Une soupape? Ah, qu'est-ce qu'une soupape? C'est un organe. Oui. Bref, c'est ça. Une soupape, c'est un organe. Un organe. Bon, ben, merci Wikipédia. On va entendre un petit peu de Plants and Animals. On écoute la pièce de Mama Papa. Tout de suite, 89 FM. Ça te va? Ça te va ou Papa? Papa! Papa! Mathieu. Mamma mia. Paplante. Paplante. Ça, c'est le nom de mon père. Papa Plante. Papa, à délai, mais il l'a eu. Matches, flows, and doorways of people's houses. C'était Metagryo avec Corvette. Oui, c'est un extrait de leur futur nouvel album. Leur nouvel album qui va être lancé le 23 avril prochain. Et l'album s'appelle Tendre et Mauve. Ouais. On ne sait pas s'il a été gravé, donc peut-être qu'il s'est gravé. Mais je sais pas, mais il est tendre et mauve. Mais il est tendre et mauve. Ouais. Comme toi. Ça peut vouloir dire tellement plein de choses, tendre et mauve comme moi. Ça peut être une image de moi. Ben oui. Parce qu'effectivement, je suis tendre et mauve. T'es leur héros. Comme Barney. Ben voilà. On le compare souvent, je t'appelle souvent Barney. C'est vrai. Ou Arthur, c'est son nom en français, des pierres à feu. Barney s'appelait Arthur. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Non, mais on parlait de Barney, le dinosaure. Ouais, je sais, mais je sais. Ok, tu fais... Ah, ouais. Désolé, j'ai comme de scraper. Non, mais parce que je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'un nom comme Barney peut se traduire en Arthur en français. Dans les pierres à feu. Ouais. Pas le Barney mauve, là. Ben, c'est comme Bertha, comment ça s'appelait là-dedans en anglais? C'était-tu Bertha? Non, c'était pas Bertha. Non, en français c'était Bertha. Ouais. En anglais c'était Betty. Betty, ah ouais. C'est comme Delima puis Wilma. Faites-moi pas croire que Delima est un nom commun, ben peut-être. Ben probablement à cette époque-là, oui, pour avoir travaillé dans des recensements de 1910, je peux te dire, j'en ai vu quelques-unes. Les Delima, ouais. Ouais, mais pas beaucoup. Mais pas des cailloux. Non. C'est une autre affaire que je comprends pas. Comment ça fait que l'émission s'appelle Les Pierres à Feu, basée sur The Flintstones, mais que leur nom de famille c'est Caillou? Ouais. Puis pourtant, justement, c'est Fred Flintstone. Ben oui. Donc Fred Pierre à Feu, si tu veux appeler l'émission Pierre à Feu. Hein? C'est comme l'émission Agathe s'appelait Peeble en anglais. Oui. Ça n'a pas rapport. Puis boum boum, c'était bam bam. Oui. On pourrait continuer longtemps comme ça. Oui. Dino s'appelait Dino, par exemple. Monsieur Miroc. Oui. Il y avait le gars qui tirait sur l'oiseau pour dire que c'était la fin de la journée aussi, mais lui, il n'avait pas de nom. Non, mais il était dans le générique, fait qu'il y avait cet avantage-là. Ouais, exactement. Bon, ben parlons d'un autre gars qui tire sur des choses. Tire sur des oiseaux. Oui, Frédéric Desrues. Frédéric Desrues, oui. Hey, on est en campagne pour qu'il revienne sur Facebook, mes amis. D'ailleurs, j'ai pris l'initiative de créer un groupe Facebook qui se nomme « Pour que Frédéric Desrues revienne sur Facebook ». Et donc, on a lancé le groupe jeudi dernier, jeudi matin, jeudi après-midi. Bref, on est rendu à 35 membres. Quand même. Ouais, ben, c'est plus que les groupes. Est-ce que ce tournevis peut avoir plus de votes que cette... Avec le peu de publicité qu'on a eu, là, oui, quand même, c'est intéressant de dire 35 membres, mais quand même, je trouve que ça stagne un peu. On est 10 000 étudiants à l'UQTR, mais j'aimerais avoir au moins 100 personnes d'ici la fin de la session. Oui. Pour forcer notre cher président à revenir, parce qu'il nous manque sur Facebook ses lumières, son génie dans ses statuts, ainsi que les choses qu'il mettait sur Facebook, nous manquent beaucoup. Il était tel un phare pour nous, les étudiants. Un exemple à suivre. Et Facebook, ça reste quand même, si on est dans le concret, dans le réel, là, ça reste un bon outil de communication avec les élèves, avec les étudiants de l'UQTR. Donc, ça serait une très bonne façon pour lui de communiquer. Et c'est pour ça que je favorise son retour. Et j'aimerais juste terminer en citant Xavier Or, qui est aussi membre du groupe, un des premiers membres d'ailleurs, sinon le premier membre après moi à s'être joint au groupe. Et donc, il dit « Lundi matin, à une semaine de la fin de session, nul ne sent la présence de notre français internationalement connu à l'UQTR. Où est-il? Pourquoi nous abandonne-t-il? Ses sourires deviennent un mythe et une légende tellement les preuves se font rares. Donc, on s'ennuie de toi, Fred, sur Facebook. » Ah, ce que j'aime de vous autres, c'est votre sincérité, je trouve. Ah, on l'aime. Vraiment, là, j'admire beaucoup. Ben, tu sais. Ouais. C'est tout simplement le bon sens. Le bon sens. Regarde, on va se dire les vrais affaires, on va se parler entre les quatre yeux parce que vous avez le droit de savoir, etc. Là. Ah oui? Puis s'il aurait dit « Ok, je lâche Facebook pour aller sur Twitter », ça serait une autre affaire. Ben mais oui. Là, c'est « Il lâche Facebook pour lâcher Facebook ben ». À un moment donné, et voilà. Ouais. Bien dit. Donc, si vous voulez trouver le lien, allez sur facebook.com, tapez juste Frédéric Desrues. C'est pas mal la seule résultat qui va sortir. Ouais. Exactement. Puisque lorsque quelqu'un met fin à son groupe, non pas à son groupe, mais à son affiliation Facebook, tout ce qui avait rapport avec lui est effacé. Donc, ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien. Ben non. Ouais. Est-ce que tu es sûr que ça efface pour vrai? Il me semble qu'il faut que tu ailles vraiment loin dans les paramètres pour que ça efface tout. Puis si tu refais un compte avec le même nom, tes infos sont encore là. Ouais, tu peux le fermer, puis là, plus personne ne va avoir de nouvelles de toi, mais si tu le réactives, tout redevient comme avant. Comme si de rien n'était. Ah! Ça serait utile. Je sais, je l'ai déjà fait. Mais on sait que Frédéric avait déjà fait son ménage de son Facebook pendant ça, je sais pas combien de jours. Bien, justement. C'est une très bonne idée. Tout à fait. Mais il y a probablement aussi une fonction qui fait que tu peux être un peu invisible sur Facebook, j'imagine. Ben, c'est que tu peux mettre des affaires privées, par exemple, ton wall et tes informations, etc. Mais ta page existe quand même et tu peux voir la photo de la personne quand même. Tu peux pas voir la photo. À moins que tu mettes pas de photo. Ouais. tu peux toujours faire ça. C'est là, ça serait logique. Bon. Merci de m'avoir accordé quelques temps pour parler de ce fameux groupe. Et d'ailleurs, je dois dire, là, quand même, on a des membres influents. On a Jeannine Héroux, qui est directrice administrative ici à la GE, qui travaille à la GE, qui veut que Frédéric revienne. On a Émeric Garon, qui est un nouvel élu premier cycle, donc à la GE également. Et on a donc plein d'autres membres très intéressants. C'est un beau vote de confiance, c'est une belle image de solidarité et je dirais de dommage. C'est clairement un hommage. Ouais. Un hommage. Ouais. Un hommage. De ton assemblage requis au 89.fm, c'est fou. Ça, c'était beau. Simon, répète-nous ta phrase que tu viens de nous dire. C'était donc intelligent. J'ai dit, c'est plaisant, les téléphones intelligents. C'est juste que parfois, les gens qui utilisent les téléphones intelligents sont pas si intelligents. Dans leur utilisation d'eux, ça peut être des personnes, ça peut être des génies, mais leur utilisation n'est pas très intelligente du produit. C'est fort. C'est songé même. C'est Jean Barbe. Hein? Je pense que Jean Barbe a dit que la persévérance pouvait venir à bout de tout, même la débilité. Ah, probablement. Ouais. Mais ça n'a pas rapport avec ce que tu disais, là, mais c'est juste une citation qui me venait comme ça. Bon, donc c'est la fin de ce segment d'Assemblage requis. On revient juste après la pause pour, entre autres, s'écouter de la bonne musique et sûrement avoir d'autres, je dirais, analyses pertinentes de l'actualité ukutérienne. Viendront dire qu'on parle pas de l'EGE dans cette émission-là, toi? Bon, attends, c'est la deuxième heure d'assemblage requis. Ah, que je suis donc heureux de vous revoir. Je pense que j'ai fait une mauvaise liaison, par exemple. Je suis donc heureux. Non, parce qu'il y a un H, donc heureux. Ah. Non, on fait jamais ça ici, hein, avoir un mauvais usage du français. Mauvais usage? Mauvais usage. Non, on fait jamais ça. Bon, retour à vous. Vous soyez bienvenue dans Assemblage requis, version deuxième heure. Un petit peu en retard comme ça, c'est pas trop grave. Il nous reste 50 minutes. Version dernière deuxième heure de lundi de l'année. Du dernier lundi de la dernière semaine d'Assemblage requis. Oh oui. Et d'ici la fin de l'émission, on devrait se parler un peu de ce qu'il va avoir côté performance musicale dans les émissions de fin de soirée. Et aussi, je vais vous parler du festival de films de Portneuf sur l'environnement. Tout à l'heure, pour l'instant, Michelot. Don't Steel and Sarah avec la pièce North Shore de leur super merveilleux album Saint-Hood. C'est une chose qu'on, Kiwan et moi qu'on se dit souvent. Tu me diras si tu trouves que j'ai raison. Saint-Hood, c'est vrai qu'on se dit souvent ça. On se dit ben ça souvent. Depuis le début d'Assemblage Requis et des autres quotidiennes, le but super noble de faire jouer le plus d'affaires possible. On se dit, waouh, on va avoir le temps de faire jouer plein d'affaires. Au lieu d'avoir juste une heure par semaine, on va en avoir huit. Finalement, on fait pas jouer grand-chose. On se dit souvent, finalement, on a fait jouer juste du palmarès ou juste ce qu'on fait toujours jouer. C'est ça, ou du MySpace, des mêmes artistes pendant quelques semaines. Pourquoi tu dis ça au juste? Je dis ça parce que l'album de Tegan and Sarah, je pourrais vous en faire jouer un petit peu plus de tunes variées au lieu de tout le temps faire jouer Arrow et c'est quoi, The Ocean, qu'on fait tout le temps jouer. Ils sont toutes bonnes sur l'album. Je dis ça pour Tegan and Sarah, mais plein d'autres artistes aussi. Donc cet été, dans la version hebdomadaire, on essaiera de varier un petit peu plus sur les CD qu'on a fait jouer pendant la session. Jouer d'autres pièces, ce serait pas pire, je pense. En tout cas, je pense que tu pourrais même aller jusqu'à faire jouer des artistes que tu n'as jamais entendus avant. Oh, mais quelle incroyable bonne idée! Et je pense qu'on pourrait même se donner comme mission, et ça, je trouve que l'idée n'est pas si mauvaise que ça, mais de faire jouer rien d'avant 2010, donc que des affaires de cette année. Deuxièmement, aucune pièce qui est dans le palmarès présentement, ou qui l'a été, que d'autres pièces. Ou presque, là, mettons. Pas de palmarès, ça, ouais. Je serais d'accord, mais tu sais, juste 2010. OK, bon. J'avoue. OK. La seule balise, pas de pièces qui sont dans le palmarès présentement. Ah, je pense que là, on a un bon point de départ. Je sais pas si Alain Lefebvre va être content de savoir que Tony Tassot de ne pas jouer le palmarès. Non, mais on pourra jouer d'autres artistes, des mêmes artistes du palmarès, mais pas les pièces du palmarès. Ah, okay, parce que là, avec les quotidiennes, l'idée, c'est qu'on fait jouer les pièces du palmarès et d'autres pour varier entre les trois quotidiennes. C'était, il n'y en aura pas de quotidienne. Bon. Ah, t'es donc excentrique, Mathieu. Ben, je suis un original, un unique, un différent, un sympathique. Parlons un petit peu des talk shows de fin de soirée, des invités musicaux dans ces talk shows de fin de soirée-là qui ont lieu. Commençons par ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est un bon soir pour commencer ça? Faisons-le dans l'ordre chronologique, pourquoi pas. OK, bonne idée. Tant qu'à être unique. On commence par l'émission de Jay Leno, le Tonight Show, ce soir à 23h30 sur NBC. Phoenix va être là, c'est une nouvelle performance, donc c'est pas une reprise. Phoenix, on aime ça. Jimmy Kimmel, ça c'est à minuit sur ABC. Il y a Cypress Hill featuring Tom Morello. C'est moins dans notre genre de créneau, mais quand même Cypress Hill. Bon. Ah, mais il pas ça, Cypress Hill, pour vrai, là. Je trouve que c'est le genre de groupe qui fait aimer le rap. C'est sûr que les vrais fans de hip-hop pur et dur vont dire « Ah, Cypress Hill, c'est pas du hip-hop, là. » Je sais. Comme Loco Locas et tout ce genre de... T'es bien, d'ailleurs, je trouve. Ouais. Je viens d'apprendre deux choses, là. Cypress Hill existe encore et Tom Morello fait encore la musique. Ah. C'est intéressant. Bon. C'est à ça que ça sert, cette chronique-là. aussi, sur NBC, ce soir, ça, c'est en fin de soirée, tellement que ça devient comme le lendemain matin. À 1h30, 35 environ, à Carson Daly, c'est une reprise, mais il y a Weezer. Donc, ça pourrait intéresser bien des gens. Mardi, maintenant, à Jay Leno, Tonight Show, 23h30 NBC, il y a Smashing Pumpkin. À Jimmy Kimmel, sur ABC, à minuit, il y a Devo. Devo, Whipper Girl. Oui, ils sont de retour. Hein. Ils ont préparé un nouvel album. S'il n'est pas sorti, il va sortir très bientôt. Je suis fan Facebook. Et je reçois des messages. T'es fan Facebook? Cool. Et puis Jimmy Fallon ce soir, ça c'était à 12h35 sur NBC. New Kids on the Block, en rappel. Donc c'est vraiment là, on parle de pertinence ici. En rappel, genre de 1998 ou... C'est ça. Ben oui, dans le temps que Jimmy Fallon... 98, 88 plutôt, je sais pas, non? Uh-huh. Quand est-ce qu'ils étaient hot, là, la première fois de leur vie? Hein? C'était pas au début des années 90. J'ai aucune idée, en fait. Aucune idée. Aucune espèce d'idée. Ensuite, mercredi, toujours dans les talk shows de fin de soirée, les invités musicaux, il y a Rob Zombie à Jimmy Kimmel. Hein? Et à Jimmy Fallon, il y a Silverson's Pickup Calling, que j'ai de la misère à dire son nom. Là, Silverson Pickups. Bon, des fois, on dit que c'est un petit peu, peut-être, à tendance un petit peu commerciale. Mais bon, quand même. Je vous en parle. Jeudi, Broken Social Scene est à David Letterman. Ça, c'était à 23h30 sur CBS. À Jimmy Fallon, The Bee Gees. Wow! The Bee Gees. C'est les deux membres restants, probablement, parce qu'il en reste juste deux. B.A.G., j'imagine. Oui, B.A.G. Billie Jean. C'est trop tôt, Mathieu. Trop tôt. Un petit peu trop tôt. On peut pas Excuse-moi. Faire Dans combien d'années? 25, habituellement, c'est 25 ans avant que quelque chose de tragique devienne drôle. Ouais. Comme là, le sida, selon South Park, en tout cas, c'est drôle parce que ça fait 25 ans. Donc, on peut rire du sida. Tellement. Ouais. On va faire ça tantôt. Là. On va remplir une dernière demi-heure de blagues de sida. Je dis que c'est selon les gars de South Park. C'est pas moi qui le dis. C'est la loi supposée des 25 ans. D'accord. Et un qui m'intéresse vraiment jeudi soir dans les talk shows de fin de soirée, c'est au Colbert Report. C'est sur Comedy Network et ça joue aussi à CTV. Gorillaz va être l'invité musical. Et ça, c'est rare parce que Colbert Report, c'est une émission de parodie de nouvelles. Il y a rarement des invités musicaux dans cette émission-là. Et puis Gorillaz va y être jeudi, c'est cool. Et puis, cool, ouais. Et puis vendredi, pour terminer, il y a, ouais, je sais, j'essaie de prendre la voix la plus cliché possible. C'était vraiment réussi. Vendredi, Creed était à Jay Leno. Tonight Show, 23h30, NBC. Voilà pour les invités des talk shows de fin de soirée. Et pour ceux que ça intéresse, parce que j'aime le mentionner, même si c'est rarement dans notre créneau, parce que bon, tu sais, on fait un petit filtrage des invités musicaux. Hein. Et Creed existe encore, ça aussi, j'ai appris. Désolé, j'interromps. Ben, t'as bien raison. Hein. Moi, je pense qu'ils ont changé de chanteur pour le remplacer par un autre qui a exactement la même voix et la même coupe de cheveux. C'est comme un gars qui imite Eddie Vedder en essayant de ressembler à Eddie Vedder. Genre. Ça me rappelle d'autres styles de gens qui sont remplacés par des gens qui ont exactement la même voix dans des émissions de radio locales. OK. OK! Non, je parlais pas de toi, surtout pas, par exemple. En fait, je parlais d'une radio qui a du mordant. Oh. À Saturday Night Live, samedi, l'invité musical, c'est Kesha. Donc ça vous intéresse sûrement beaucoup moins que les autres invités musicaux que j'ai mentionnés. Même là, il y en a quelques-uns là-dedans qui fitent un petit peu moins, mais bon, quand même. Tantôt, Simon, tu disais que ça prend 25 ans pour pouvoir rire de quelque chose de triste et de tragique. Ouais, c'est 15 ou 25, mais je pense que c'est 25. Ouais. Si c'est 25, on peut pas rire de l'événement tragique qui est le début des New Kids on the Block parce que ça fait juste 24 ans. Ah, l'an prochain. L'année prochaine, on va pouvoir rire de cette tragédie. New Kids on the Block. Quel âge qu'il y avait eux autres dans ces temps-là, tu penses? Ils sont nés comme entre 68 et 72. Donc en 86, ils n'étaient pas très vieux. Même pas 20 ans. Même pas 20 ans. Entre 16 et 18, toi. Bon. Super. Cela étant dit, vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Et il nous reste une petite demi-heure ensemble à cette émission du lundi. Dernière émission du lundi d'Assemblage Requis, hein, pour l'instant. On va le répéter souvent. On va aller entendre un petit peu de... On peut pas le dire aujourd'hui, on le dira plus jamais après. Non, c'est ça. Demain, on dira d'autres choses. On dira que c'est le dernier mardi. C'est ça. Peut-être. Ben, ce serait conséquent quand même, là. Ouais, puis après ça, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire mercredi? Puis jeudi? Il est fort. Ouais. Et très fort. Mais Mathieu, c'est un gars de concept aussi, hein. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas encore. Simon est mon modèle. Concepts, ouais. Simon est mon modèle avec son émission Leur Concept dans le temps qui me fait faire tellement de liens et de jeux de mots et de. Ouais. Ça me manque. Très bon. On écoute un petit peu de Vanesse Pariétaire, une pièce qui était peut-être de circonstance quand, mettons, vendredi soir, samedi, Givresse, c'était plus de la neige qu'il y avait. Il y avait de la neige vendredi, samedi. Non, pour ça. Oui, il y a neigé, ça. C'est pas ça? Eh ben, calme. Enfin, il se laisse aller un peu. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Vous êtes toujours à l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h. Kiwan est toujours là. Oui, je suis toujours là. Simon est toujours là. Presque. Qu'est-ce que tu disais, Kiwan? Non, rien. T'étais presque là? Moi, je suis là. Je suis là. T'es physiquement, mais mentalement, pas tellement. Non, c'est parce que je suis en train de préparer... Préparer quoi? Non, c'est parce que tu veux qu'on aille entendre du You Say Party, We Say Die. Ouais, avec Laura Palmer's Prom. T'as sûrement entendu la triste nouvelle qui est arrivée vendredi dernier, pendant ou après un spectacle? On en parle après. OK, c'est beau. Après. My heart needs a love dance. My heart, my heart. You Say Party, We Say Die, à la pièce Laura Palmer's Proms sur le palmarès anglophone de C'est Fou en ce moment. Ouais, puis le nom du groupe prend un très, très mauvais sens présentement. C'est plutôt juste le nom du groupe va devoir sûrement changer. Je sais pas là. S'ils peuvent continuer avec ce nom-là. Mais bref, vendredi dernier, ils étaient en spectacle. Ils sont en plein, dans une grosse tournée. Ils étaient au Canada présentement. Ils s'en allaient, c'est leur dernier spectacle au Canada. Ils s'en allaient, c'est leur dernier vendredi dernier. Ils s'en allaient ensuite en Europe pour une trentaine de dates dans le prochain mois et demi. Donc, beaucoup, beaucoup de spectacles en très peu de temps. Mm-hmm. Et puis, leur dernier spectacle en sol canadien, même chez eux, hein, parce que c'est un groupe de Vancouver. Et ça s'est passé à Vancouver vendredi dernier pendant un spectacle. Leur batteur qui a eu un malaise, qui a été transporté à l'hôpital. Il a subi une hémorragie au cerveau. C'est ça, une hémorragie au cerveau. Et puis, il est décédé finalement dimanche dans la journée à l'hôpital après une opération qui a pas pu le sauver. Donc, voilà, c'est vraiment triste pour You Say Party, We Say Die. Ça arrive en plus dans un mauvais moment où il était en plein en pleine tournée, en effervescence. C'est là. Ça. On pourrait utiliser la bonne vieille expression au sommet de la gloire. Mm-hmm. Donc, voilà, je sais pas, là, c'est sûr que les prochains spectacles sont annulés. Probablement la tournée européenne est annulée aussi. On se demande si le groupe va continuer lui-même, mais ça, c'est une question qu'on se posera après qu'il ait fait leur deuil. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Triste. Mm-hmm. Vraiment très triste. Il avait 30 ans seulement. Seulement. Ouais. Ben, on va écouter une autre pièce de You Say Party, We Say That. Tout de suite, voici une pièce qui a un nom à propos. Dark Days. Mm-hmm. Come to me in the dark days. You come to me through fire, you stay. When I go out, you surround me. In the deep of night, you keep me. Yeah. walking on. And so fucking forth. There's got your back, whatever that's worth. If your hero told you to go up for shopping, what would you do? I do not know. Every girl I ever kissed, I was thinking of a broke up father. So you should know. C'était Los Campesinos avec We've Got Your Back, entre parenthèses, Documented Minor Emotional Breakdown No. 2, leur album Romance is Boring. C'est le deuxième extrait de leur album du même nom. Et c'était Assemblage Rocky. Il était en spectacle hier, hein? Mais Ah oui, c'est vrai, hein, j'ai entendu une fois ou deux parler de ce spectacle. Je peux pas vous dire si c'était bon, malheureusement. Mais non, le spectacle était vraiment excellent, Mathieu, je suis allé le voir hier. Oh, ben mon Dieu! Est-ce que tu sais si Stéphanie est allée le voir, finalement? Non, ben c'est moi pas allé. Non. Tu as un petit peu gâché son plan, je pense. Hein? Mais là, j'ai jamais dit que j'irais. Là. J'ai hésité longtemps. Ça me tentait d'y aller. J'aurais aimé ça, voir ça. Mais bon, j'ai pas d'argent, moi. Bon. Pas c'est ouf. Loin, là. C'est loin. Ah, je peux même pas utiliser l'excuse de pas d'argent, là, parce que... Elle a offert de payer le gaz. Elle était très, très motivée à aller voir. Mais je suis désolé, Stéphanie, si elle écoute. C'est pas grave. Je suis sûr qu'elle va aimer quand même t'entendre parler d'un autre sujet. Parce que là, tu m'as dit qu'il y avait un festival, si j'ai bien compris, de pornographie environnementale. C'est genre, c'est quoi, s'ils prennent des arbres, ils mettent à nu, ils enlèvent l'écorce, puis c'est ça? Exactement. C'est ça, hein? Oui. Pas du tout! Pas du tout! Non, présentement, c'est la 7e édition du festival de films de Port-Neuf. Ah, Port-Neuf! Et là, j'attends les jeux de mots sur les ports et neuf. Non, il n'y en a pas? OK. Non, des vieux cochons. Et donc, nouveaux cochons. Exact. Donc, festival de films de Port-Neuf, entre parenthèses, la région, sur l'environnement. Il précise la région, entre parenthèses. Pour toi, Mathieu. Contrairement à Port-Neuf, l'animal de compagnie. Exactement. Donc, le festival a commencé vendredi dernier. Ça dure jusqu'au 25 avril, qui est le samedi-dimanche prochain. Donc, ça dure encore toute la semaine. Donc, il y a des projections de films sur l'environnement toute la semaine. Il y a un paquet d'activités. Entre autres, hier, il y avait une activité qui est organisée. C'est plantation d'arbres. Donc, tu pouvais y aller, te donner un arbre. Tu allais le planter dans un territoire qui n'était pas boisé et qui un jour le sera. Donc, le festival a lieu, se déroule principalement, en fait, à Saint-Casimir, qui est un village dans le cœur de la région de Portneuf. Mais il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est une petite région en Portneuf. Il n'y a pas vraiment de ville principale. Pas de métropole de Portneuf. Non, donc, les huit premières étaient beaucoup plus intéressantes, moi, je trouve, là, Morlaix, Cantarie. Ouais. C'est ça, le 9e port et... Ben, j'essaye, tu m'as demandé des jeux de mots, moi, ça, c'est tout ce que je peux faire. Non, c'est ça, mais là, c'était le temps au début. Je t'avais demandé au début pour après ça, il n'y en ait plus pendant le... Oh. C'est pas grave, Mathieu, c'est pas grave. Il reste juste 4 jours. Un petit peu moins, même 3 jours et 10 minutes. C'est vrai. Mais 3 jours, il reste 6 heures et 10 minutes. Plus encourageant comme ça. Ben, je sais que tu y penses toute la nuit et toute la journée avant d'arriver. Je fais un décompte, moi. Tu savais, moi. Ah ouais. Tu fais des petites barres sur ton mur du studio. Donc, bref. Qui va dans son propre mur du studio? Ouais, c'est ça, on en a tout chacun. Mm. C'est le studio 58 murs. C'est ça. Donc, le festival se déroule principalement à Saint-Casimir, dans plusieurs lieux, dans à peu près tous les endroits disponibles à Saint-Casimir. Donc, l'hôtel de ville, le vieux couvent, un peu partout. Le dépanneur. Le dépanneur, c'est ça. Chez Gérard. Ouais. Et aussi, il y a un lieu de diffusion qui est un petit peu à l'extérieur, qui est à Saint-Alban, qui est au parc des Gorges de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban, qui, en passant, est un très beau site pour faire du plein air. Le quoi? Pas de blague de gorge ici, de Sainte-Anne. Non, ça va. Donc, c'est au village de Saint-Alban. Justement, ce soir, l'activité qui est prévue ce soir, c'est une projection du film Une maison de paille, c'est à l'éco-chalet de Saint-Alban. Ça nous explique, c'est un film de 80 minutes, un documentaire qui a été fait par Boris Larry, qui nous explique comment faire une maison écologique. La maison qui est utilisée comme exemple dans le film a été construite à Toulouse, en France. Mais ça, il y a un paquet de documentaires et de séries télé même qui ont été faits là-dessus à Télé-Québec. Le rebut global, là, tout ça. Oui, c'est ça, les artisans du rebut global et les citadins du rebut global qui, justement, nous expliquaient en toutes les étapes comment se fabriquer une maison écologique. En plus, avec un budget de 15 000 $, c'est vraiment une très, très, très bonne série. Et sans l'aide du Canal Vie. Exact. Je sais pas. Je pense pas que c'est naturel leur affaire, eux autres, par exemple. Hein? Les affaires de décoration et de rénovation. Ah, ok, genre décor de ta vie. C'est ça. Okay. J'avais pas saisi le. C'est correct. J'avais pas saisi la référence. Ça valait pas la peine de saisir ça du tout. Donc, bref, si vous voulez apprendre comment vous construire une maison écologique, il y a un film là-dessus ce soir. Sinon, rapidement, comme ça, là, en rafale, le reste de la semaine, demain, mardi, il y a entre autres une conférence sur l'organisation d'événements. En citant comme exemple le festival de films, mais de façon écologique. Organiser un événement, mais en étant écologique, donc en l'utilisation du papier. Les sacs de chips qui sont pré-recyclés, tout ça. Qui sont biodégradables. Hein, ouais. J'imagine. Donc, il y a une conférence là-dessus demain aussi. Un film qui va être projeté demain, le film principal demain, s'appelle L'héritage de Lexon Valdez, le pétrolier qui s'était échoué en Alaska. Donc là, c'est la 20e année, je pense, c'est le 20e anniversaire ou quelque chose du genre. Donc, il y a un documentaire qui a été fait là-dessus. Mercredi, on parle de Rabaska, le port méthanier dans la région de Québec. Jeudi, c'est Visionnaire planétaire, un film qui avait été présenté. Visionnaire planétaire, un film qui a été présenté dans les nouveautés de l'ONF cet hiver, il y a quelques mois. On en avait parlé beaucoup de la série des nouveautés de l'ONF qui était venue présenter des films ici à la Maison de la Culture. Ce que j'appelle l'ONF. L'ONF, exactement. Vendredi, c'est Réfugié de la planète bleue. Ça, qui est une grosse production, très beau documentaire. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. J'aimerais beaucoup voir ce film Réfugié de la planète bleue, qui est probablement la tête d'affiche du festival, je dirais. Et samedi, le 24, il y a un cabaret kino. Donc, à partir de jeudi, plusieurs kinoïtes vont envahir le village de Saint-Casimir pour commencer à accumuler du matériel pour monter leur kino, et ça va être présenté ce samedi le 24. Donc, si vous voulez le détail là, pour la programmation complète et surtout pour les lieux, là, les adresses des lieux de chez mon oncle Gérard et tous les endroits qui sont utilisés pour faire les projections, vous allez sur le www.ffpe.ca. Festival de la porno environnementale, c'est ça? Exactement. C'est ça. Porneuf. Festival de films de Porneuf sur l'environnement. Ah, d'accord. Bon. Merci, Kiwan. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Il nous reste une petite huitaine de minutes ensemble. C'est pas long, ça, 8 minutes. Le temps à peine d'écouter, je dirais, une pièce, puis on va revenir après. C'est pas mal ça, je pense. On va entendre un nouvel extrait du prochain album de Stars. Alors, 5e album qui s'appelle The Five Ghosts. Leur premier depuis In Our Bedroom After the War, qui était sorti en 2007. Five Ghosts, ça va sortir à la fin du mois de juin. Sur Soft Revolution. Les 5 membres du groupe ont écrit et enregistré la collection de pièces à Montréal. C'est ce que ça nous dit. Et puis au début du mois de juin, les 5 membres vont sortir en genre de grosse tournée. Ils vont jouer Five Ghosts du début à la fin au grand complet. Par contre, si vous aimez les vieilles affaires que Stars ont fait, vous pouvez aller voter sur leur site youarestars.com pour choisir les chansons qu'ils vont jouer pendant leur encore. Leur, comment t'appelles ça? Rappel. Leur rappel. Oui, moi, rappel, ça veut dire diffusion. Fait, je n'utilise pas vraiment ce mot-là. Ça veut dire rappel. Ça me rappelle des reprises. Stars, avec Fixed, à Assemblage Rocky. Le nouvel extrait fixe de la formation Stars. Je rappelle que leur album The Five Ghosts va sortir à la fin du mois de juin. On a hâte. Oui, c'est nouveau. Ils sont plus sur l'étiquette Arts and Crafts. Non, ils ont parti leur propre étiquette. Leur propre étiquette. Oui, fait maison. Je sais pas si leur emballage va être aussi beau qu'avec Arts and Crafts, mais bon, on s'en fout de nos jours des enrobages d'albums de toute façon. De toute façon, ce sont même plus les vrais emballages d'Arts and Crafts. Donc ça, les cheapos. Cheapos promo radio. Là. Mm. Un peu comme l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'est la fin de la soirée. On a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. C'est la fin de l'assemblage requis en ce lundi, ce dernier lundi de la session. En fait, ce dernier lundi de l'assemblage requis pour un maudit bout, là. Hein? Je vais être assez nostalgique du lundi. Moi, tout le reste de la semaine, je sais pas comment je vais faire pour réussir à animer de façon normale. On va se réessayer avec l'émission du mardi, qui va être la dernière émission du mardi pour l'instant. Hein? C'est fini, les lundis, là. C'est fini, là, les lundis. On met ça derrière nous, là. Bon. Donc, restez sur nos ondes de CIFU 89.FM ce soir. Il va y avoir les filles de Donne-moi le goût à 17h. Puis, Simon va être de retour avec son émission Crowd Rock, avec de la musique, comment dire, Crowd Rock. À 19h, c'est le voyage insolite avec Frédéric Durand. Et puis, à 22h, plus tard ce soir, il y a C'est au poil. Je vous invite à être là demain matin pour les prochaines quotidiennes. C'est le dernier mardi pour tout le monde. Hein. Pas juste nous autres qui terminent leur dernier mardi. C'est assez universel, ça, hein, les journées de la semaine. Là. Pas mal, t'as tout le temps la même journée pour tout le monde. Ouais, je dirais que t'as pas mal de raison là-dessus. Hein. Donc, c'est à 7h demain avec On s'appelle et on déjeune. Sinon, ben passez une excellente soirée. Kiwan, on se revoit demain à 15h. Demain à 15h. Avec Émilie Gauthier, sa dernière chronique de la session. Veux-tu sortir avec moi? Les dernières nouveautés de la semaine de la vie, il n'y en aura plus après. Non. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre demain? Pas grand-chose. Ben, ça va être plate. Plus de nouveautés CD. Plus de nouveautés CD. On va écouter toujours les mêmes choses. Ben, merci, hein, Kiwan, de dire que je vais pas faire ma job d'animateur radio. Hein? Hein? Je vais la faire, moi, ma job de chercher les nouveautés cet été. Ne t'en fais pas. Susceptible. Ouais, un petit peu soupe au lait.